Ça m'a fait rire, mais je pense que c'est moyen quand même. Il est signé. Avec les cons qu'il y a là, et ces cons, on va s'en occuper. Laurent Malouda. Ça va, Julien? Laissez-moi, laissez-moi mourir avant de vivre. Salut tout le monde. Ouais, super les copains, c'est la fête. On est parti pour un CSA de folie. Parce que le foot, c'est la vie. C'est la joie des plaisirs simples et des moments de communion merveilleux autour de ce rectangle vert qui nous emporte sans cesse dans des tourbillons d'allégresse qui n'ont d'égal que la brillance de nos yeux d'enfants devant ce spectacle sans pareil. Mais nous, ne faisons pas languir plus longtemps. Passons tout de suite au match du week-end. Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain. Préparation H soulage la douleur, favorise la cicatrisation. Préparation H est un médicament. Voilà, merci à notre partenaire Préparation H qui devrait aussi devenir très très vite le sponsor maillot du Paris Saint-Germain à la place de Fly Emirates pendant quelques temps, le temps que ça cicatrise. Et 1, et 2, et 3, et 5, et 11, blaireau, et on l'a eu dans le fion, on l'a eu dans le fion. Je voudrais quand même saluer ce soir le courage d'un homme, souligner l'immense courage de Daniel Riolo, qui est venu travailler ce soir alors qu'il avait obtenu 8 jours d'arrêt par son proctologue ce matin. Son proctologue, un médecin suisse réputé, le docteur Jean-Fonce Mondois de la clinique du Trou à Bâle, qui a fait un diagnostic assez terrible. Hein. Il a dit, moi j'ai jamais vu ça. Il a dit, j'ai jamais vu ça. Il y avait du verre pilé, des éclats de pare-brise, du goudron fondu. J'ai pas vu Daniel dans un état pareil depuis la finale de l'Euro 2000. C'est vrai que c'est assez moche. Non, moi ce match m'a un peu... Je vous avoue que moi qui étais complètement impartial, j'ai eu du mal à suivre ce match dans les meilleures conditions. J'ai essayé de en tant que professionnel, je l'ai regardé. Et surtout ce que j'ai vu un Paris Saint-Germain qui a voulu se mettre au goût du jour, qui a voulu être dans la tendance française. Parce qu'en France en ce moment, un tétraplégique et un blague de banlieue, c'est 10 millions d'entrées. À Paris, un tétraplégique et un blague de banlieue, c'est 10 millions d'euros. C'est la défense centrale et ça marche beaucoup moins bien. Alors c'est non, parce que le problème c'est que nous le tétra il a pas une Maserati sur le terrain, il roule avec une Skoda et une caravane au cul, c'est pas exactement le même délire, mais bon, espérons qu'il plaise aux Français quand même, hein. On pense à lui, le pauvre, hein. Ah là là là là. Bref, alors du coup moi j'étais un peu dans la déprime. Alors ce matin je me suis dit je vais essayer d'aller au cinéma pour me changer les idées. Alors qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce qu'il y a au cinéma qui sort? Alors les Lyonnais, non merci, j'en ai rien à cirer. Hors Noir avec Nasser El Relaifi, non merci. La Vérité si je m'en trouve avec Léonard, non merci. Mon pire cauchemar, c'est déjà fait. Contagion, ils l'ont tous attrapé. The Artist, oui bon, The Artist, il reste muet pendant 90 minutes, j'ai pas besoin d'aller au cinéma, je l'ai vu pendant le match, donc du coup j'ai laissé tomber le cinéma, je me suis dit bon, et puis du coup je me suis remis à essayer de repenser au match. Et là j'ai lu le Thierry Muratel, notre ami Thierry Muratel de la Provence, le fanzine de l'Olympique de Marseille. Et il a dit, ça fait rire que Polo. J'avais pas entendu le mot fanzine depuis longtemps. Mais c'est pas une blague, c'est la vérité. C'est la vérité. Merci Polo. C'est vrai. Ah là là là, magnifique. C'est un fanzine. Non. Et il a dit cette phrase. Je défendrai mes collègues. Il a dit cette phrase. Il a dit cette phrase très vraie. Écoute Gilbert, s'il te plaît. Il a dit cette phrase très vraie. Il a dit, quand on est olympien, avoir faim est un credo. C'est donner du bonheur, marcher sur les équipes prétendues plus fortes et montrer que la capitale du foot a un nom. Le Pirée. Je pense qu'il pensait bien sûr aux gens de l'Olympiakos, hein, les Olympiens qui leur ont marché sur la gueule chez eux à domicile avec un budget trois fois moindre. Non, alors on va dire que je suis mauvais joueur, c'est ça? Mais non, je plaisante. Moi, tu sais, je vais te dire un truc, Gilbert. Après tout ça, après tout ce qui s'est passé ce week-end, je me suis dit qu'avec Daniel, il fallait qu'on sache rester humble. Daniel, tu sais, il faut revenir sur terre. Ce week-end aura été une grande leçon. Une leçon qui démontre que l'argent ne fait pas tout. Que c'est pas parce qu'on est plein de pognon que l'on réussit. C'est pas parce qu'on a un gros budget. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça que je vois que quand l'OM est deuxième budget de Ligue 1 et se trouve à la 9e place derrière Saint-Etienne, Lorient et Toulouse, c'est une très belle leçon que ce week-end nous a offert. Merci. Non, je ne suis pas de mauvaise foi et je vous emmerde. Oui, à Paris, non, c'est vrai. Non, faut reconnaître un truc. À Paris, faut qu'on arrête de se la raconter. On a quand même des joueurs qui se prennent pour des danseuses. Hein, on voudrait moins de joueurs qui se la pètent. On voudrait que nos joueurs deviennent modestes. Pas Anthony Modeste, attention. Hein. Faut pas déconner. On aime bien. Faut baisser la tête, mais pas pendant concours. C'est ça le principe. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé Margarita qui est venue au stade avec son chien. Et c'est vrai que le chien c'est interdit au stade. Bah oui. Bah, je vous rappelle sauf quand si même. CRS. Oui, non, parce que je vous rappelle que Droupy est entraîneur de Bordeaux et ça choque personne. Il y a un clébard sur le banc à chaque match. Mais lui il a le droit évidemment. Non, sinon bah, les trucs très simples, j'ai vu que bah, Antonetti a déclaré que les Savoyards étaient des pleureuses. Donc celui qui dit ça, c'est lui qui disait "Ah, pas de poisson français. Ah, pas de paillasse pour le français parce que ce joueur c'est assassine. Tous les joueurs c'est assassine, nous assassine. Il nous assassine, les assassins, qui nous assassine, les assassins, qui nous assassine." Donc lui, il trouve que les gens chouinent trop, hein, on est d'accord. Il va pas faire. Donc ça m'a beaucoup plu. Et mis à part ça, je voudrais quand même dire que mis à part Gamero, les buteurs en Ligue 1 sont de retour, puisque Giroud c'est un triplé, Lisandro c'est un doublé et Gignac c'est un simplé. Donc tout le monde a retrouvé son niveau optimal, hein. Gignac qui est retourné en loge. Gamero, s'il continue, il pourrait aussi se retrouver en loge, même si pour lui c'est moins dérangeant, ça lui rappellera ses parents, puisqu'il est d'origine portugaise. Donc à loge. Oh non, oh non, merde, on avait réussi à tenir à peu près. Rennes, j'ai vu une dépêche avec Rennes. Bonne nouvelle à PAM, a rejoué avec la réserve et va réintégrer le groupe. Je sais pas s'il y a besoin d'ajouter une blague à cette phrase. Non, c'est qui se suffit d'elle-même. En ce moment, j'ai vu qu'en Allemagne, le derby de la Ruhr, hein, c'est, il paraît que c'était un derby de bourrin, je pensais de l'appeler le bourrico. Je pense que ça leur irait pas mal. Et Didier, juste pour finir, avant la chanson, je voudrais te demander. Il est là, Didier ? Ouais, je suis là. Oui. Il y a une rumeur qui dit que Cavani va venir au PSG. C'en est où ? C'est vrai ? C'est une rumeur. Voilà. Bah, non, je pense qu'en fait, on s'est trompé. C'est Jean-Michel Cavalli qui va venir, qui va remplacer Antoine Camboire. Et on mérite pas mieux. Alors, je voudrais terminer ce CSA par l'intermédiaire d'un grand supporter du PSG qui a vécu un grand malheur hier soir, qui a mangé la merguez par les deux bouts, qui en a plein les boulettes à couscous, mais qui voudrait rendre hommage à un joueur qui lui a été irréprochable sur le terrain malgré la défaite. Et il veut lui chanter une petite chanson pour lui rendre hommage à ce joueur qui était formidable. Allez, on est parti. Ah, qui sont jolis les tacs de match, lui dit. Laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï. Ah, qui sont jolis les tacs de match, lui dit. Laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï. Arrivé tout droit du Forez en juin dernier, c'est pas la suite du fond des mines qu'il a tout bronzé. D'origine congolais, cet enfant de Fontenay est venu au PSG pour nous régaler. Ah, qui sont jolis les tags de match, lui dit. Laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï. Ah, qui sont jolis les tags de match, lui dit. Laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï. Même à Paris, il reste vert, un vrai écolo. Il touche pas le gazon, il coupe le pied, le crampon bien haut. Toujours cavalé, la langue tirée, un vrai chien de berger, mais qui n'aboie jamais. Ah, qui sont jolis les tacs de match, lui dit. Hey! Laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï. Ah, qui sont jolis les tacs de match, lui dit. Laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï. Et si ce qu'on lui a à ses côtés, mais la fièvre, un potentiel a terminé au quai des orfèvres. Toi, tu fais la première tacle, celui qui sait qui les fait sursauter, lui sort le sécateur pour tout découper. Ah, qu'ils sont jolis les tacles de match, lui dit. Hey! Laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï. Ah, qu'ils sont jolis les tacles de match, lui dit. Laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï.